experts, comme elle n'est pas là, un des chefs a dit, puisque c'est ainsi, nous la replacerons mardi. Mardi matin, Ivan, Simon et Alexia ont prévu de placer Anaïs en récep, comme elle n'est pas là. Les chefs ont dit, puisque c'est ainsi, nous la replacerons lundi.